Comment devenir libertine? Je suis ce qu'on pourrait appeler une célibataire chronique, même si je suis aussi passé naïvement par la case mariage. D'ailleurs, je crois que je m'en suis toujours pas remise. Toujours est-il qu'en plus de mon horrible expérience, j'ai pu constater que mon cas n'était pas isolé, car avec mes grandes oreilles, j'en ai appris des choses. De confidence en confidence, j'ai compris que la plupart des couples étaient régulièrement, voire continuellement en galère. Ouf, je me sens moins seul. À la différence que j'ai les couilles de vivre autrement, contrairement à ces malheureuses. Voici ma méthode d'une efficacité redoutable. 1. Éjecter mon mari. 2. Faire fi des commérages. 3. Profiter de ma liberté retrouvée. 4. M'éclater. 5. M'éclater. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça compte tout. Tout ceci à remplacer. 1. Supporter mon mari. 2. Coller aux idéaux des autres. 3. Cette putain de cage. 4. Me faire chier. 5. Me faire chier. Ça aussi, ça compte double. Je suppose que tu as compris sans peine pourquoi ma vie de femme émancipée me convient parfaitement. Je vais tout de même te donner d'autres arguments, des fois que dans ton cerveau germe l'idée saugrenue de tenter l'expérience. Je te mets dans le contexte. Je suis une femme de caractère qui s'ennuie facilement. Mes deux traits de caractère sont de fait incompatibles avec le mariage, sans compter qu'à force de compromis douteux et de routine, je ne me reconnaissais plus. Je ne te cacherai pas que ça a été assez horrible à 30 ans de me dire que techniquement j'avais tout, mais qu'en réalité je m'emmerdais. Fini les étincelles. Heureusement que Dieu a créé l'adultère. Tromper remet les idées en place, mais être cocu, c'est magique. Je précise que les coups de canif dans le contrat sont effectifs bien avant qu'il y ait pénétration. C'est ainsi que la luxure du net m'a appris que mon couple était définitivement mort. Mis bout à bout, tout cela m'a fait comprendre que finalement, il ne m'était pas utile d'avoir un homme à mes côtés, puisque de toute façon, j'étais trop individualiste pour ça. Du coup, étant en excellente santé, il fallait trouver une solution pour satisfaire ce besoin qui n'était déjà plus comblé depuis belle lurette. Une fois de plus, la facilité du web m'a changé la vie. Crois-moi, c'est simplissime de trouver des étalons. Je dois avouer que mes partenaires sont devenus des produits de consommation que je remplace au gré de mes envies. Je te vois tourner de l'œil. Ne me fais pas une syncope. Tu trouves ça immoral? Moi, non. Je t'explique. La vie de couple, c'est l'art de se promettre des choses qu'on est dans l'impossibilité de tenir. Alors que dans mes relations purement physiques, je ne me suis jamais plus engagée et je n'attends rien d'autre que des orgasmes de qualité. Pour le reste, tout baigne. Je suis totalement libre d'aller et venir, de manger quand je veux, de m'étaler dans mon lit, de traîner avec mes copines jusqu'à pas d'heure, de m'acheter ce dont j'ai envie et de partir en week-end sur un coup de tête. Le paradis, quoi. Avoue que ça te fait rêver. Alors, fais comme moi, vis de sexe et de vin blanc plutôt que d'amour et d'eau fraîche. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.